partirai quoi? Thank you. Wanna move? Thank you. Chopin, c'est la dernière pour moi. Yeah. walk on the bottom. Even when I just walk on the bottom. When I need it much, when I need it over. Find a meaning of life. And a voice said, girl, War. Trop bien encore une fois. Merci. On est vraiment pas loin. Allez, des bisous. Du love.